الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، aujourd'hui nous allons poursuivre en prenant le hadith الثاني. الحديث الثاني qui est le hadith de Jibril, qui est très connu. Celui que souvent les gens considèrent comme le hadith long de Jibril, qui lui-même est un hadith immense, qui englobe, on va dire, les fondements de la religion. Tous les fondements de la religion peuvent être regroupés dans ce hadith. Mais comme je vous l'ai dit, il s'agit là d'un résumé de l'explication de notre shir, Hafizahullah Ta'ala. Donc je n'ai pas mis tout ce qu'il a mis dans son charh, déjà d'une part car c'est très long, d'autre part car le livre, comme je vous l'ai dit, contient des défauts d'édition, il y a des décalages, des parties qui devraient être mises en avant ont été mises en arrière, et ainsi de suite. Donc j'ai dû reprendre le char depuis son site et le remettre sur feuille afin de le réordonner, le remettre dans l'ordre. Et donc voilà. Et également, je tiens aussi à m'excuser d'une chose, c'est que lorsque je lis et que je traduis, c'est une traduction spontanée. C'est-à-dire il se peut que des fois je cherche un mot, le mot je le connais par exemple, mais au moment où je traduis, il ne vient pas dans ma tête. Donc il peut m'arriver de laisser un temps d'écart ou d'avoir des bégaiements, ce genre de choses, car il s'agit d'une traduction spontanée. Non, sur le tas, quoi. Donc on va commencer. Donc Cheikh Yahya Hafizahullah Ta'ala dit: قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني أبو حيثمة زهير ابن حرب حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر ها حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه حدثنا أبي حدثنا كهمس عن أبي بريدة عن يحيى بن يعمر قال دوك أبقى وصلت للسند كم نشير الذي لمام au début de son explication. Là, il rentre dans le hadith. Et ce hadith-là, le shir l'a rapporté depuis son début. Il ne s'est pas contenté de mettre l'histoire depuis la parole de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Il a commencé en citant la cause de ce hadith. Pourquoi a-t-il été dit? Donc il dit: Kana awwala man qala fi qadr bil basrati ma'badun al-juhayni. Al-juhani. Fantalaktu anna wa humayd ibn Abdurrahman al-himyari. حاجين أو مختمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فاقتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن يتكفرون العلم فذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لقدر وأن الأمر أنف قال فإذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني الذي يحلف بي عبد الله بن عمر لو أن لأحد مثل أحد ذهبا فأنفقته ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. Donc déjà, c'est la première partie du hadith cité par les tabi'i, qui est Yahya ibn Ya'mar. Il dit que le premier qui fit apparaître, il a mis la parole sur le destin, al-Basra, c'est-à-dire en Irak, c'est Ma'bad al-Juhani. Alors je me déplaça, ou je partis en voyage, moi et Humayd ibn Abdurrahman, al-Himyari, pour accomplir un hajj ou une umra, l'un ou l'autre. Nous nous sommes dit, si nous rencontrions un des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam afin de l'interroger sur ce que dit cela à propos du destin, c'est-à-dire cela les suiveurs de Ma'bad. Alors nous fut accordé de rencontrer Abdullah ibn Omar qui rentrait dans le masjid. Alors nous l'entourâmes, moi et mon compagnon. L'un d'entre nous se mit à sa droite et l'autre se mit à sa gauche. Alors je sus, ou je pensais, que mon compagnon me confierait le fait de parler. Je dis, ô Abba Abdurrahman, yani la kunya de Abdullah ibn Omar, il est apparu chez nous des gens qui lisent le Coran, c'est-à-dire qui l'étudient, et qui recherchent la science. Donc, et Yarmar cita certaines de leurs descriptions. Et ils disent, ou ils prétendent qu'il n'y a pas de destin, et que les choses viennent comme elles sont. Donc Abdullah ibn Omar dit, si tu rencontres cela, informe-les que je suis innocent d'eux, et qu'ils sont innocents de moi. et que celui par lequel Abdullah ibn Omar jure que si l'un d'entre eux dépensait la quantité de Uhud en or, que Allah n'accepterait pas de lui tant qu'il ne croira pas au destin. Ensuite, il dit, c'est-à-dire Abdullah ibn Omar, et là c'était le hadith qu'il prit comme preuve qu'il a part de son père. Donc là, on reprend en arabe le hadith tel qu'il est dans le Matn de Arba'in Nawawi. حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواب الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله يصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فلم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمراتها قال أن تريد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رياء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلقه فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم عبد الله بن عمر dit que mon père m'a rapporté que pendant que nous étions chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soudainement apparut un homme à une blancheur éclatante, c'est-à-dire les vêtements d'une blancheur éclatante ainsi que les cheveux d'une noirceur éclatante, et qu'il n'apparaissait pas sur lui les traces d'un voyage. Et personne parmi nous le connaissait. Alors il s'assit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et accola ses genoux à ses genoux, c'est-à-dire aux genoux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et posa ses mains sur ses cuisses. Il dit, « Ô Mohammed, informe-moi de l'islam. » Alors Rasulullah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dit, « L'islam, c'est que tu témoignes, tu attestes qu'il n'y a pas d'autre divinité digne d'être adoré si ce n'est Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, et que tu accomplisses la salat, et que tu t'acquittes de la zakah, et que tu accomplisses le jeûne de Ramadan, et que tu accomplisses le hajj à la bayt, c'est-à-dire bayt, la maison d'Allah, si tu en as la capacité. » Alors il dit, « Tu as raison, tu as dit vrai. » Il dit, « Nous en sommes surpris, car il interroge, puis il le confirme, c'est-à-dire il confirme sa réponse. » Ensuite il dit, « Jibril, informe-moi de l'imène, la foi. » Il dit, que tu crois en Allah et en ses anges et en ses livres et en ses messagers et au jour dernier et que tu crois au destin qu'il soit bon ou mauvais. Il dit, tu as raison. Ensuite, il dit, alors informe-moi de l'irsan, l'excellence, la bienfaisance. Il dit que tu adores Allah comme si tu le voyais et que si jamais tu ne le vois pas, alors lui, sache qu'il te voit. Il dit, alors informe-moi de l'heure. Il dit, l'interrogé n'en est pas plus savant que l'interrogeur ou l'interrogateur. Il dit, informe-moi alors de ces signes. Il dit que la servante met au monde sa maîtresse et que tu vois les va-nu-pieds, dénudés, pauvres, bergers se concurrencer dans on va dire la grandeur des édifices, de faire des grandes bâtisses. Il dit ensuite, il s'en alla. Alors je reste un instant. Ensuite le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam me dit, ô Omar, sais-tu qui est le questionneur? Il dit, Allah et son messager sont plus savants. Il dit, certes c'est Jibril qui est venu pour vous enseigner votre religion. Et le hadith, tel que nous l'avons lu, est rapporté par Muslim. Présent chez le Bukhari, mais avec une autre version. Naam. Donc là, le shir commence. Le shir commence, bien sûr, en commentant les paroles de Yahya ibn Omar, au début, lorsqu'ils sont partis voir Abdullah ibn Omar. Il dit, sa parole, le premier qui fut, yani kana awwal man qala bil qadr fi al basra ma'bad al juhani, que le premier qui parla au sujet du destin, c'est-à-dire en mal, à Basra en Irak, c'est Marba Juhayni. Donc le shir dit هذا في بيان معرفة أول من نشر الشر أو الخير ولو في قطر من الأقطار وأن معبد ابن عليان الجهني أحد المعتزلة نشر هذه البدعة التي أصلها من اليهود والله سبحانه وتعالى يقول ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يدلون بغير علم ألا ساء ما يزرون. Que ici, par cette parole-là, il y a un éclaircissement du fait que le premier, sur le fait de démontrer qui est le premier à avoir propagé un mal ou un bien, dans n'importe quelle contrée. Et que Marbad ibn Relian el-Johani, qui est parmi des Murtazila, qui a propagé cette bid'ah, dont l'origine provient des Yahoud, des Juifs. Et que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens relatif et rapproché, qu'ils portent leur fardeau complètement le jour du jugement, ainsi qu'une part du fardeau de ceux qu'ils auront égaré sans science, et quelle mauvaise chose qu'ils transportent, c'est-à-dire leur fardeau. C'est-à-dire de là, celui qui propage un mal et qui est des suiveurs, prendra de son mal à lui entièrement et une partie de ses suiveurs. وَفِهِ أَنَّ بِدْعَةَ الْقَوْلِ بِقَدْرِ مِنَ الْعِرَاقِ. Et que la bid'a du fait de parler sur le destin provient de l'Irak. وَكَثِيرٌ مِنَ الْفِتَنِ ظَهْرَتْ فِي الْعِرَاقِ. Et que beaucoup des fitans, des troubles, proviennent de là-bas, de l'Irak. وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجْدُ الْعِرَاقُ مِنْهُ الزِّلْزَالُ وَالْفِتَنُ وَمِنْهُ يَطْلَعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ. Et que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit à propos de Najd al-Irak, en Irak, que c'est de là-bas qu'il y a les secousses et les troubles, et que c'est de là qu'apparaîtront les cornes de Shaitan. Naam. Ensuite, sa parole. Fantaraktu ana wa Humayd ibn Abdurrahman. Donc, je partis en voyage, j'entreprends un voyage, moi, en compagnie de Humayd ibn Abdurrahman. Le shir dit. Fihi talab rifqa fi safar. Que cela comprend quoi? Le fait de désirer une compagnie lors du voyage. Car il est déconseillé de voyager seul. Il est déconseillé d'entreprendre un voyage seul. Ensuite, sa parole. فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc la parole, si seulement il nous était accordé de pouvoir rencontrer un des compagnons du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. Il dit فيه الرجوع الى اهل العلم عند المغدرات وان العلماء اهل الحل والعقد وهم الذين يعقلون الامور. قال تعالى وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. وقال تعالى فَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ لِخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَرَدُّهُ لِلرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ لَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبَتُونَهُ مِنْهُمْ. Donc il dit que cette partie comprend le fait de revenir aux gens de science lors des problèmes. Et que les savants sont les gens de la solution. Et qui sont les gens qui comprennent les choses. De là, se basant sur la parole d'Allah dans le sens relatif et rapproché. Tels sont les exemples que nous exposons pour les gens et ne sont compris que par les savants. Et il dit également dans le sens relatif rapproché, et s'il leur parvient une nouvelle alarmante ou rassurante, ils la propagent, ils la diffusent. Si seulement ils l'avaient renvoyé aux messagers, aux déteneurs du pouvoir, ceux qui recherchent la vérité parmi eux l'auraient su, c'est-à-dire les savants. Que lorsqu'une chose se propage et qu'elle est troublante, il faut la faire revenir aux savants. Et qu'il n'y a pas de mal à mettre une intention de Hajj et de Umrah. Et que cela ne corrompt pas cette niya. C'est-à-dire le fait de mettre plusieurs niyas. Tu pars pour le Hajj ou la Umrah, tu peux mettre une niya de faire autre chose en même temps. Et si par exemple, qu'il mette une intention avec son Hajj, de faire quelques commerces là où il part, cela n'annule pas son hajj, et que cela reste correct. قال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. Et qu'il n'y a pas de mal sur vous à ce que vous recherchiez la grâce de votre Seigneur. Ça, c'est une preuve qui fait que pas de mal dans le bien. وهكذا ولو حج وهو يقصد أنه مع حجه يلتقي بالعالم الفلاني أو الصديق الفلاني يزوره لا مانع من ذلك ولا يضر كما صنع يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن بل كثير من أهل الحديث كانوا يلتقون بالموسم ويسافرون من بلدانهم للحج وللقاء الأئمة فيسير نورا على النور. Donc il dit, par exemple, si en accomplissant son hajj, il a pour objectif également de rencontrer le savant untel ou son ami untel afin de le visiter, il n'y a pas de mal en cela. Et cela ne nuit en rien. Comme l'a fait Yahya ibn Ya'mar et Humayd ibn Abdurrahman, là dans ce hadith. Il dit même, plutôt, beaucoup de gens de science ou de hadith rencontraient les gens qu'ils voulaient en fonction des saisons, comme celle du Hajj. Ils voyageaient de leur pays pour le Hajj pour rencontrer les imams. Et cela ajoutait de la lumière à la lumière. C'est-à-dire la lumière du Hajj était en plus. On y ajoutait également de la lumière de la rencontre avec le savant. Et ça, c'est connu chez les frères, chez les musulmans qui partent faire le Hajj, qu'ils saisissent l'occasion enfin de rencontrer les savants. Naam. Donc cela est un tadalil, est une preuve sur ce fait. وفي فضيلة للصحابة أنهم عاشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه وعندهم علم عزير بغير تكلف. Donc il dit, cela contient également le mérite des compagnons, des sahaba, car ils ont vécu avec le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم et qu'ils ont entendu de lui et qu'ils ont de la science, une science profonde sans se forcer. Que pour eux c'est facile. Ce qu'ils ont comme science, les sahaba, ils n'ont pas besoin de s'efforcer. أما من قال طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم وأعلم فهذا قول باطل بل طريقتهم أسلم وأعلم وأحكم وهم خير القرون الذين نزل الثناء عليهم من الله عز وجل في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Donc il dit que des gens aujourd'hui disent que la méthode des salafs est plus sereine, alors que la méthode des contemporains, ceux d'après eux, est plus savante, plus scientifique et plus sage, ou contient plus de règles. Et cette parole est une parole complètement fausse. Nous disons plutôt que leur voix, c'est-à-dire celle des salafs, est plus sereine, et plus scientifique, et plus sage, et plus de règles. Et ils sont les meilleurs des siècles, ceux sur lesquels l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala est descendu, dans sa parole, dans le sens relatif et rapproché. Donc les précédents parmi les premiers, des muhajirs et des ansar, et ceux qui les ont suivis dans la bienfaisance, Allah les a agréés, ils agréent Allah. Il leur a préparé des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, et ils y seront éternellement. Et telle est la victoire éclatante. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge des premiers de cette communauté, qui sont les sahaba et les tabi'in, tab-tabi'in, c'est-à-dire les trois premiers siècles, qui sont les meilleurs de cette communauté et les gens sur lesquels doivent se baser notre compréhension dans cette religion. Car dire je suis le kitab et la sunna ne suffit pas aujourd'hui. Beaucoup le prétendent, mais très peu l'appliquent comme il le faut. Donc en cas de khilaf, toi tu vois un verset et un hadith. Tu les as compris d'une façon, et quelqu'un d'autre d'une autre façon. Comment trancher entre nous dans la divergence dans la compréhension? On revient à la compréhension de qui? Des premiers, qui sont les salafs. Et dans sa parole, Kouluhu fasa'alnahu. Donc nous l'interrogeâmes, c'est-à-dire Abdullah ibn Omar. Fihi su'alu al-dhikr. Qala ta'ala fas'alu al-dhikr in kuntum la ta'lamun. Donc cela contient le fait de demander aux gens du rappel, comme la parole d'Allah dans le sens relatif et rapproché, et demander aux gens du rappel si vous ne savez pas. Donc le fait de demander aux gens du rappel, Allah y est incité dans son livre comme tu l'as entendu. Et ce n'est pas toute personne qu'on interroge. Car ils avaient à leur époque, c'est-à-dire Yahya ibn Ya'mar et Humayd, ils avaient des gens à leur époque, à Basra, qui prétendaient avoir de la science. Mais cependant, ils se sont basé sur le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est Abdullah ibn Omar. والمسائل المشكلة والمردلة لابد بالرجوع فيها إلى العلم. Donc les problématiques, tout ce qui pose problème, il est obligatoire de revenir aux gens de science. وعدم الخوض فيها, et ne pas en parler, c'est-à-dire en parler sans science. وإن كان الإنسان قد أنكرها بادي ري فأنت ترى يحيى بن يعمر قد حصل عنده إنكار لهذا الأمر في قلبه وأراد سؤال أهل العلم حتى يقول قال ابن عمر رضي الله عنه كذا وكذا وحتى يكون على بصيرة أكثر. Donc il dit, il faut revenir aux gens de science lors des problématiques, d'accord, et qu'il ne faut pas en parler, c'est-à-dire ces choses-là, sans clairvoyance. Même si au fond de toi, il faut que tu vois une chose, que tu vois qu'elle est blâmable, elle n'est pas bonne, tu le vois, comme cela est arrivé avec Yaham, lorsqu'il a vu, entendu ses paroles sur le destin, il savait qu'il s'agissait là de mauvaises paroles. Il avait bien compris. Cependant, lui, pour avoir plus de clairvoyance et de science Et pour avoir un socle solide, il est parti voir un véritable savant, Abdullah ibn Omar, pour lui poser la question avec la preuve. Et celui-ci lui a répondu, contrairement à ce que beaucoup de gens font aujourd'hui, que lorsqu'ils voient un mal, ils se mettent eux en avant. Ils voient une personne qui fait du mal, au lieu de, je parle de gens qui ont un lien avec les gens de science comme ils le prétendent, qui au lieu de revenir à leur machaïr ou gens de science autour d'eux, ils veulent parler eux en premier, se mettre au devant de la scène. Et cela est une erreur et s'oppose à la voix des salafs. Mais une fois que le savant a parlé, pas demain tu proposes sa parole et tu poursuis. Non. Donc il dit, wa min fadl al-ulama annahum ashaddu an-nas nabahatan li bayan al-aqwal wal-af'al al-mukhalafati lil-haqq wal-inkar ala man jaha biha سواء كان في العقيده او في اي وجه يخالف الدليل. Et là tu vois que le mérite des savants, que eux sont les gens les plus attachés au fait de démontrer les paroles et les actes qui s'opposent à la vérité. Et le fait de blâmer sur celui qui vient avec. Que cela soit dans l'aqida ou dans toute autre chose qui s'oppose au dalil, à la preuve. قوله فوفق لنا عبد الله بن عمر. Donc il nous a été accordé de rencontrer Abdullah ibn Omar. فيه أن ذكر الاسم واسم الأب يكفي عند المعرفة الشخص. وذكر هذا ابن كثير في زاد المعاد. Que là, cela prouve qu'il est possible de citer le nom d'une personne avec le nom de son père si celui-ci est connu. Par exemple, toi, ton père, c'est une personne connue, un savant, une personne de renommée. Et toi, tu es son fils, tu t'appelles par exemple Abdullah. Et ton père s'appelle Meselen Mohammed. Si on dit Abdullah ibn Mohammed, par exemple, cela suffit. Comme le prouve cela chez beaucoup de sahaba qui étaient affiliés au nom de leur père. Et Ibn Kathir, Afwan Ibn Qayyim, c'était cela dans son livre Zad al-Ma'ad. Wa marna wufiqa lana, et le sens de il nous a été accordé, ay quddira lana, cela nous a été prédestiné. Wa hadha nahuku li ba'dihim laqayna fulanan sadfatan. Et cela correspond un peu avec la parole d'une personne qui dirait j'ai rencontré un tel par hasard ou par coïncidence. La mani amin hadha al-qawl, il n'y a aucun empêchement de dire cette parole là. Les hadithi Abdullah ibn Amr anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala inna nabiy Allah Sulayman sa'ala Allah azza wa jalla thalatha khilal. Sa'ala Allah hukman yusadifu hukmahu fa utiya. Donc comme le prouve le hadith rapporté par Abdullah ibn Amr que le messager d'Allah a dit certes le prophète d'Allah Sulayman a demandé à Allah azza wa jalla trois choses. Et parmi ces choses-là, il lui a demandé un jugement qui coïncide ou correspond avec son jugement à lui, c'est-à-dire celui d'Allah. Quelque chose qui lui fut accordé. Donc là, le shahid, yusadif, qui vient de sotfa, souvent qui est traduit par le mot hasard ou coïncidence. Donc là, yusadif est qui coïncide, qui s'accorde. Wa fil bab hadith, yom el jum'a fihi sa'atun, la yusadifu a'abdun muslimun wa yusalli fayas'alu shay'an illa u'tiya. Et un autre hadith qui dit, il y a une heure, le jour du Jumu'a, il n'est pas un serviteur musulman qui accomplit sa salat et qui coïncide avec cette heure, c'est-à-dire sa salat, son dora, coïncide avec cette heure-là, qu'il ne demande une chose sans que celle-ci ne lui soit accordée. Donc là, on voit que le fait de dire par coïncidence, cela ne porte pas atteinte au destin. Le sens par là, quand on dit par coïncidence ou par hasard, on ne veut pas dire par là le fait qu'il y ait une autre chose que Allah a décidé, qu'est-ce qui se soit produite. Non, ce qu'il veut dire par là, c'est que c'est une chose que toi, tu n'avais pas prévu, que tu n'avais pas l'intention de faire. Par exemple, tu dis, je suis sorti aujourd'hui et j'ai vu un tel par hasard. Ça veut dire quoi ça? Que toi, quand tu es sorti, tu ne t'attendais pas à le voir et tu n'es pas prévu de le voir. C'est ça le but de dire par coïncidence ou par hasard. Donc cela est permis. Naam. Wa Abdullah ibn Amr, min man rawa an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fawqa al-uluf, wa wa kadhalika min al-abadila, alladhina ishtaharu bil-ilm. وتأخر موتهم واحتاج إليه الناس وحتى كان لهم تلاميذ كثير وهم ابن عمر وابن عمر وابن عباس وابن الزبير. Donc il dit Abdullah ibn Amr a rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam plus de 1000 hadiths, des milliers de hadiths. Il est parti parmi les Mukthirin, ceux qui rapportent beaucoup de hadiths. Et il fait partie des Al-Abadila, c'est une forme de pluriel pour le mot Abdullah. C'est-à-dire c'est un pluriel pour le mot Abdullah. Et il parle des Abadila qui ont été connus par la science, dont qui ont vécu longtemps et dont les gens ont beaucoup besoin d'eux et qui ont eu beaucoup de d'étudiants, d'élèves. Et ces Abadila, c'est-à-dire ces gens qui s'appellent Abdullah, les plus connus, qui sont-ils? Ibn Amr, Ibn Omar, Ibn Abbas ou Ibn Zubayr. tous s'appellent Abdullah. On les appelle Al-Abadillah. Car ils sont ceux-là qui ont eu le plus de science, qui ont rapporté parmi les plus de hadith, qui ont vécu longtemps. Naam. Et du moins, on va dire, sont les principaux. Il y en a d'autres. Ensuite, il dit, قُلْهُ دَاخِلَ الْمَسْجِدَ فَاكْتَنَفْتُهُ. Donc, et là, il parle de qui? De Abdullah ibn Omar, qui rentre au masjid. Alors, nous l'avons entouré. قَلْ الشيخ حفظه الله تعالى لا بأس بالسؤال ولو لم يكن في مجلس الفتوى وبوب علي البخاري السؤال في الطريق أو السؤال في راحلة. Donc il dit pas de mal à poser une question, c'est-à-dire à un savant ou genre de science, même si cela n'a pas lieu lors d'une assise de fatwa. Car des fois les ulama font des donnent des temps, des séances, des assises juste pour les questions-réponses. Mais toi, tu peux poser une question à un savant si tu le vois passer ou même dans sa voiture. Cela est permis, comme le prouve cette histoire. Donc nous l'avons entouré, moi et mon compagnon, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Tels sont les agissements d'un étudiant en sciences, qui sont de bons comportements, afin de profiter et d'honorer le savant. Vous voyez, quand tu vois un savant, tu ne te mets pas derrière lui pour lui parler. Tu te mets devant lui, ou sur ses côtés, de sorte à ce qu'il puisse te voir facilement, sans avoir à se fatiguer à tourner la tête à droite ou à gauche. Comme cela va venir dans le hadith de Jibril. قوله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليها. Donc il dit, j'ai su ou j'ai pensé que mon compagnon allait me laisser parler. استدل بهذا على أن الذي يتكلم في الأمور المهمة لا سيما عند أولي الأمر من العلماء والأمراء وأبلغ القوم أو أكبر القوم. Donc il dit, il était pris comme preuve de cela que celui qui doit s'exprimer dans les choses importantes, surtout auprès des tenants du pouvoir, des gouverneurs et des savants, qui est celui qui doit s'exprimer est le plus éloquent ou le plus âgé, et le plus celui qui comprend mieux les échanges et les entretiens avec les gens, celui qui est le plus apte à comprendre et à faire passer le message. قوله يا أبا عبد الرحمن, et sa parole ô أبا عبد الرحمن. كنت عبد الله بن عمر وفيه غاية الإجلال وابن عمر إمام من أمة الدنيا ينادونه بكنيته دون مبالغة. فهذا الذي ينبغي عدم الإطراء للعالم ولا لغيره. Donc il dit, la kunya de Abdullah ibn Omar, c'est Abu Abdurrahman. Et cela est une grande marque de respect que le fait d'appeler un savant ou une personne par sa kunya. Car il dit que Abdullah ibn Omar était un imam parmi les imams de cette dunya. Et malgré cela, ils l'ont appelé, interpellé par sa kunya, sans exagération. Et c'est cela qui convient. Ne pas exagérer dans les éloges à l'encontre des savants ou autres que eux. Tu l'appelles comme il le mérite, sans exagérer et sans non plus le négliger. قوله إنه قد ظهر قبلنا رجال يقرؤون القرآن ويتكفرون العلم. Donc il est apparu chez nous des gens qui lisent le Coran ou l'étudient, qui recherchent la science. قال هذا نستفيد منه فائدة عظيمة أنك لا تختار بكل من قرأ القرآن ولا كل من تتبع العلم ووالى منهاج منحرف. وبعضهم يقول فلان حفظ يحفظ صحيح البخاري وصحيح المسلم والله لو حفظ الكتب الستة كلها مع القرآن وصار متدهورا الحال لا على عقيدة صحيحة أو صار حزبيا أنه يسير ممسوخا. Donc il dit, on peut dire de cela un grand bénéfice qui est que ne pas se laisser impressionner par les gens, par toute personne qui lit le Coran, toute personne qui recherche la science. Car si jamais il est même sur un minhaj dévié et que certains disent de lui un tel, il a mémorisé Sahih al-Bukhari ou Sahih al-Muslim, wallahi, même s'il avait appris tous les livres, les kutub al-sitta, c'est-à-dire les 6 livres références dans le hadith, avec le Coran, et qu'il serait devenu d'une mauvaise situation, sur une mauvaise croyance, ou devenu un hizbi, pour nous, cette personne-là est effacée. Elle est tombée. Elle ne sert à rien. Quel que soit son niveau. Donc ne te laisser impressionner par un tel ou un tel, qui a tant et tant de niveau de science, ou tel ce qu'il y a. Le plus important, c'est sur quoi il est comme haq, comme vérité. Et ensuite de cela, s'il a tout cela, c'est un khayl pour lui. Et j'ajoute, alors que dire des gens qui se laissent impressionner par des gens qui n'ont même pas tout ça? C'est-à-dire des gens qui n'ont même pas étudié, aujourd'hui sont devenus des références, et pris comme point de retour pour beaucoup de gens, alors qu'ils n'ont même pas étudié, juste ils ont quelques bases en arabe, ils ont du Coran, c'est tout. Sinon, ce qui est de le profit tiré auprès des gens de science, ils n'ont rien du tout. Thumma yaqul. هؤلاء الناس يتكفرون العلم يتتبعونه ويكررون القرآن هذه طريقة محمودة لو كانت على استقامة لكنهم أفسدوها بالإعوجاج في العقيدة On vous dit, ces gens-là recherchent la science. Et ils lisent le Coran. Cela est une bonne chose. S'ils avaient été sur la droiture. Cependant, ils l'ont corrompu. Et ils ont corrompu leur aqidah. Ils ont corrompu leur croyance. Rahimallahu Yahya ibn Ya'mar. Fakad zakara min sha'nihim. Hasb ma ya'lam. Zakara al-hakikata dun talbis. Fis su'al. La kama yafalu al-hizbiyoun. إذا ذهبوا يسألون عالما يصورون السؤال تصويرا آخر وما يذكرون الحقيقة ومن الأدب أن تذكر السؤال والعالم يجيب لا كما يفعل بعض السائلين كان يجيب نفسه بنفسه بقوله ما رأيكم في هذا القول المنكر أو الفعل المنكر donc il dit qu'Allah fasse miséricorde à Yahya ibn Ya'mar. Pourquoi? Car lui, il les a décrits en fonction de ce qu'il savait d'eux. C'est-à-dire les Adbar de Ma'bad, qui parle sur le destin. Il a cité la réalité, sans tromper dans la question. Contrairement à ce que font les Hizbis aujourd'hui, ils vont voir un savant, ils lui posent une question, et là, en la mettant hors contexte, afin d'obtenir une réponse. Et ils ne disent pas la réalité des choses. Et il dit parmi le comportement dans le fait de questionner le savant, afin qu'il réponde, c'est de lui dire la chose telle qu'elle est, réellement, avec équité. Et ne pas faire comme font certaines personnes, qui vont questionner un savant. Il pose la question comme s'il répondait lui-même, en disant « Quel est votre avis sur cette mauvaise chose, ou cette mauvaise parole, ou ce mauvais acte ?» Non, enlève le mot « mauvais », dit « Quel est votre avis sur telle chose, telle chose, telle chose ?» Mais lui, il a déjà un jugement dans sa tête, qui peut être vrai, c'est vrai, la chose peut être mauvaise, cependant toi, viens comme si tu étais neutre, tu informes le savant, et laisse lui répondre. Et ensuite tu propages sa réponse et tu agis en conséquence. « Qawluhum, innahu laqadar » qu'il n'y a certes pas de destin. هؤلاء كفار كما تقدم لأنهم يردون الأدلة الدالة على علم الله السابق ذكر أهل العلم وعدم الخلاف على كفرهم donc il dit ceux-là sont des kuffars comme cela a été précédé car ils rejettent les preuves démontrant que Allah sait des choses avant qu'elles ne se produisent et les gens de science ont stipulé qu'il n'y a pas de divergence sur leur mécréance car les qadariya sont de différentes catégories là n'est pas le sujet du ders cependant eux sont les pires voyez. Ceux qui disent que Allah ne connaît pas les choses. Allah ne sait les choses que comme nous, comme les êtres humains, lorsque se passe et par la suite. Que Allah ne sait pas ce qui va arriver. Cela est du kufr. Qawluhum wa na'am unuf. Yani qui revient au même qu'il n'y a pas de destin. Qui revient au même qu'il n'y a pas de destin. Ay musta'nifun. Ma'alim Allah al-umur ila ba'd hudusiha. Yani qu'il n'y a pas de destin et que Allah ne connaît pas les choses si ce n'est après qu'elles soient arrivées. Qawluhu idha laqita ula'ika fa'arbilhum. Donc là il dit, si tu rencontres cela, c'est-à-dire Abdullah ibn Omar qui dit ça, alors informe-leur que je suis innocent d'eux. Donc cela, les savants se servent de cela comme preuve pour montrer l'animosité envers les gens qui nient le destin comme ils le méritent. Et qu'il faut leur faire le hajj et se désavouer d'eux. Ikhbar wa i'lan li hajrihim wa hadha min adillati al hajran al batil. Donc il faut proclamer cela et l'informer. Cela est compté parmi les preuves du boycott des gens du faux. Wa i'lan mufasalatihim, le fait de proclamer notre séparation d'eux. Wa adillatu al wala'i wal lil haqqi wa ahlihi wal bara'i min al batil wa ahlihi kathiratun. Et les preuves sur l'alliance et le désaveu envers les gens du faux, on va dire plutôt le désaveu les gens du faux et l'alliance pour les gens du vrai ont beaucoup de preuves. Parmi elles, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala wa adhanun min Allah wa rasulihi ila an-nas yawm al-hajj al-akbar anna Allah bari'un min al-mushrikeen wa rasuluhu. Donc proclamation d'Allah et de son messager aux gens le jour du Hajj que Allah est innocent des mushrikeen ainsi que son messager. Wa qala ibn Omar والله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا لن يقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. Donc Ibn Omar dit par Allah que même si l'un d'entre eux dépensait la quantité équivalente à Uhud en or, Allah n'acceptera jamais d'eux tant qu'ils ne croiront pas au destin, qu'il soit beau ou mauvais. Donc Shir dit هؤلاء القدرية كانوا منكرين لعلم الله ويقولون الأمر أنف فالله لا يعلم الأمور إلا بعد حدوثها. ويظهر من قول ابن عمر تكفيرهم وقد كفرهم ايضا اخرون وقد كفرهم ايضا اخرون منهم عمر بن عبد العزيز والشافعي رحمهم الله qui dit cela sont les qadariyas qui étaient parmi ceux qui reniaient le fait que Allah connaisse les choses avant qu'elles n'arrivent. Donc il apparaît de la parole d'Ibn Omar, leur mécréance, que lui les rend mécréants. Et que d'autres que lui aussi les ont rendus mécréants, comme Omar ibn Abdul Aziz et Shafi'i. Il poursuit en disant Wa Adam Kabul Amel Kafir Dalla Ali El Qur'an, Qala Subhanahu wa Ta'ala. وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ Comme la parole d'Allah dans le sens relatif et rapproché, que rien n'empêcha que leurs dépenses ne soient acceptées, si ce n'est qu'ils ont mécru en Allah et en son messager. Donc cela prouve quoi? Que le kafir, tout ce qu'il dépense, n'est pas accepté auprès d'Allah. فَدَلَ الْقُرْآنُ عَلَى أَنَّ الْكَافِرَ لَا تُقْبَلُ نَفَقَاتُهُ لَا فَرْدًا وَلَا تَطَوُّعًا قَالَ تَعَالَى إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ Que quelle que soit la dépense qu'il fasse, qu'elle soit obligatoire ou surrogatoire, Allah n'accepte pas de lui. Comme le prouve sa parole dans le sens relatif et rapproché, qu'Allah n'accepte que des pieux. لَكِنْ هَذَا الْمَذْهَبُ قَدْ انْقَرَضَ كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ كَمَا فِي مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى وَقَبْلَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ الْقَدَرِيَّةُ بَعْدَ ذَلِكَ النُّفَاءُ الَّذِينَ يَقُولُونَ اللَّهُ خَلَقَ الْخَيْلَ وَلَمْ يَخْلُقِ الشَّرَّ وهؤلاء هم أشباه الماجوس الذين ينطبق عليهم حديث القدرية ماجوس أدي الأم. Ce groupe de Qadariya qui eux disent que Allah ne connaît pas les choses avant qu'elles n'arrivent, ce groupe-là aujourd'hui est révolu. Il n'existe plus. Comme l'a précisé Cheikh al-Islam ainsi que l'imam Nawawi. Aujourd'hui, on n'y trouve plus. Et si on en trouve un, c'est peut-être un comme ça perdu. Mais leur madhhab en lui-même, aujourd'hui, n'existe plus, quoi. Cependant, ceux qui sont toujours à cette heure présents, ce sont ceux qui disent que Allah à créer le bien, mais pas le mal. Et ceux-là sont ce qui ressemble aux majous. Il y en a souvent, ils sont traduits par les mages, mais bon, reste le sens majous, c'est mieux. Et les majous sont des gens qui disent qu'il y a deux créateurs. La lumière, qui a créé le bien, et les ténèbres, qui ont créé le mal. Et ils adorent le feu. Donc ces gens-là qui renient que Allah ait créé le mal, ressemblent aux majous, sur lesquels s'applique le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que les Qadariya sont les majous de cette communauté. Les Qadariya sont les majous de cette communauté. قَوْلُهُ وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمَرَ Donc celui par lequel jure عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمَرَ وَهُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ لِيَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْحَلَفُ بِغَيْرِهِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ كَانَ حَلِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ Ça y est, فَالْحَلَفُ بِغَيْرِ اللَّهِ شِرْكٌ Donc celui par qui jure عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمَرَ c'est Allah عَزَّ وَجَلْ car il n'est pas permis de jurer par autre que par Allah. Comme le prouve la parole du prophète Mohammed, que celui qui jure, qu'il le fasse par Allah. Car le fait de jurer par Allah, cela est du shirk. Qui peut être akbar ou ashar. Cela dépend de quoi? De ce qu'il y a dans le cœur de la personne. Vous voyez, en fonction de celui pour qui il jure. Naam. Summa qal, haddathani abi. C'est-à-dire Abdullah ibn Omar dit, mon père m'a rapporté. Yani, amir al-mu'minin, Abu Hafs Omar ibn Khattab. C'est-à-dire, le chef des croyants, Abu Hafs Omar ibn Khattab, son père. Wa wa afdalu sahabati ba'd Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Wa fada'iluhu kathiratun mazkuratun fi mawadi'iha min kutub al-tarajim. Donc il dit et que ses mérites, ses vertus sont très nombreuses et elles sont citées dans les livres de biographie. Wa fihi al-inaya bi asanid al-hadith. Wa kadha kana as-salaf rahimahumullah. Fa fi muqaddimati sahih al-Muslim عن ابن سيرين رحمه الله قال إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذ دينكم وقال لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظروا إلى أهل البدعة لا يؤخذ فلا يؤخذ وقال عبد الله بن مبارك الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء وقال أيضا بيننا وبينكم القوائم يعني الاسناد qu'il faut prendre soin à citer les isnad, les chaînes de narration du hadith. Et telle était la situation des salafs. Ils agissaient de la sorte. Comme cela est cité dans la Muqaddima de Sahih Muslim, sur Ibn Sirin, qui dit que cette science est une religion. Alors regardez de qui vous prenez votre religion. Phrase qui est très connue. Et également quand il dit auparavant, on ne demandait pas la chaîne de narration, l'isnad. Mais cependant, lorsque la fitna est arrivée, c'est-à-dire la bid'a s'est propagée, alors nous avons demandé qui sont vos hommes. C'est-à-dire les hommes qui citent ce que vous rapportez. Et nous regardons s'ils font partie de El-Sunnah. S'ils font partie de El-Sunnah, on prend le hadith. Et s'ils font partie de El-Bid'a, on prend un d'eux. Et là, il y a aussi, bien sûr, un détaillé dans le fait de prendre le hadith des gens, les gens de la bid'a. C'est encore une autre histoire. Et également, Abdullah ibn Mubarak, il a dit que l'isnad fait partie de la religion. Et que si un messie n'avait pas été l'isnad, qui veut aurait dit ce qu'il veut. Et il dit également, entre nous et eux, c'est-à-dire les gens de la bid'a, ou les kuffars, l'isnad. Ce qui différencie des gens de la bid'a et des kuffars, c'est l'isnad. Nous, on regarde l'isnad, s'il est authentique, on prend. S'il ne l'est pas, on rejette. Naam. Ibn Omar afta wa abraza dalil ala fatwahu musnadan. فهذا ينبغي أن ينتبه له صاحب العلم يذكر الفتوى والدليل الفتوى كما فعل ابن عمر وكما هو أيضا مذكور في موضعه من شروط الفتوى. Donc il dit qu'Abdullah ibn Omar a émis la fatwa et a basé sa fatwa sur un dalil qu'il a exposé. Il a cité son dalil. Et il dit le shir que c'est ça qui convient pour celui qui émet une fatwa, la personne de science, que lorsqu'il a une parole, une fatwa ou un jugement ou autre, qu'il expose sa preuve, comme l'a fait Abdullah ibn Omar. Et cela est parmi les conditions de la fatwa, que tu exposes ta preuve. Voyez ? Car le savant n'est pas une preuve en lui-même, comme nous l'avons cité dans la parole de Shirin Fawzen, Hafizahullah Ta'ala, dans le dirs précédent, que le savant, on prend de lui, n'est pas pris comme preuve, mais on prend de lui la preuve. Donc ce n'est pas tout savant qui parle, dès qu'il a dit une parole, qu'elle est vérité. Surtout lorsqu'il s'agit de quoi ? D'un jugement ou sur un point de divergence, que tout le monde n'est pas d'accord. Si un tel dit une parole et un tel dit une autre parole, les deux sont de savoir considérer, alors pour savoir et trancher, savoir quelle est la vérité, on demande leur preuve. Et ce qui est le plus convaincant, c'est cela qui est pris en compte. Et non pas la parole du savant comme ça. Dès que le cher intel a parlé, allez, on prend directement. Non, cela n'est pas du dit. Et pour preuve de cela, alors ce qu'on a cool, face elle ou elle. Taïeb, elle est vikri in kuntum la ta'lamoun. Aux gens du rappel. Il n'a pas dit demander aux savants tout simplement, mais aux gens du rappel. Et le rappel peut être aussi interprété comme étant la preuve. Les gens qui citent la preuve. Naam. Qawluhu. Bainana nahnu inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Zat yawmin iz tala alayna rajulun shadidu bayad athiyam. Donc pendant que nous étions assis chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou auprès de lui, un jour, alors apparut soudainement un homme aux cheveux d'une noirceur éclatante. Un homme vêtu d'une blancheur éclatante. Naam. Min adab talab al-ilm aidan. Fa inna Jibril ata li ta'lim tilka al-adab libas al-thiyab al-bayd li talib al-ilm. Wa hadha afdal. Kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, albisu min thiyabikum al-biyad wa kaffinu fihinna mawtakum. وجبريل أتى في ثياب بيض لكذ يعلمكم أمر دينكم وأمر اللباس من الدين عليه وعليه أحكام. Donc il dit parmi le comportement de l'archange de la science également. Car Jibril est venu en tant qu'enseignant pour enseigner ses comportements à avoir. Et parmi eux, le fait de se revêtir de blanc, de s'habiller en blanc, cela est conseillé pour le talib al-ilm, même pour autre que lui. Et cela est préférable. Comme le prouve le hadith, habillez-vous de blanc, et embaumer, c'est-à-dire le kefen, ce dans lequel on embaume le mort, qu'il faut le mettre aussi en blanc. Et Jibril est venu revêtu de blanc, afin d'enseigner aux gens leur religion. Et tout ce qui touche aux vêtements, à l'accoutrement, tout cela est lié à la religion. Et il y a des règles. Vous voyez ? Donc de là, on voit qu'il est fortement recommandé de s'habiller en blanc, bien sûr pour les hommes. Hein, pour les hommes. Car je me rappelle l'époque où j'étais en France, malheureusement, on avait pour coutume de ne remettre nos camises blancs que le Jumu'ah, le vendredi. Et cela n'est pas qu'on... C'est permis, c'est bien, car le jour du Jumu'ah, il faut mettre les meilleurs vêtements, et le meilleur vêtement, c'est celui qui est en blanc. Cependant, il ne faut pas spécifier le vendredi juste pour le blanc. Non. Tant que tu peux mettre du blanc, mets du blanc. C'est une bonne chose. Mettre des couleurs, c'est autorisé. Mais le meilleur vêtement, c'est le blanc. Vous voyez, le blanc. Naam. Donc il dit « Wa fihi anna abara Jibril afan ubira bi rajulin wa wa malak » Que Jibril est venu sous l'apparence d'un homme alors qu'il est un ange. فَهَذَا فِيهِ أَنَ الْمَلَائِكَةَ ذُكُورٌ. Donc cela prouve que les anges, les malaïkas, sont des créatures masculines, ni des hommes. يُصَفُونَ بِذُكُورِيَّةٍ. Ils sont décrits par le genre masculin. وَلَا ذَلِكَ عَدَدٌ مِنَ الْأَدِلَّةِ مِنْهَا قَوْلُ تَعَالَى لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Et qui ne désobéissent pas à Allah dans ce qu'il leur a ordonné et qu'ils font ce qu'il leur ordonne. وقوله وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَتُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ. Et combien d'anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien, c'est-à-dire autre que celle d'Allah. وَأَنَّهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ نَزَرَ خِيَارُهُمْ مُصَوِّمِينَ يُقَاتِلُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْهُمْ جِبْرِيلُ. Et que également le jour de Badr, les meilleurs d'entre eux sont venus en troupe pour combattre avec le messager d'Allah et parmi eux David Jibril. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا جِبْرِيلُ أَخِذْ بِرَأْسِ فَرَاسِهِ عَلَيْهِ آدَاتُ الْحَرْبِ. Donc le prophète a dit, voici Jibril chevauchant sa monture avec son équipement militaire. وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ أَلَّهُ يَسْتَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ. Et que Allah choisit parmi des messagers, parmi les anges et les hommes. وَقَالَ تَعَالَى الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ. Que la louange est à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges des messagers dotés d'ailes. وَوَصَفَهُمْ فَوَصْفُهُمْ بِالْأُنُوثِيَّةِ كُفْرٌ أَكْبَرُ. Et le fait de les décrire du genre féminin, cela est de la grande mécréance, sortant de l'islam. قَالَ تَعَالَى أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ. Avons-nous créé les anges en tant que créature féminine, et ils en sont témoins, c'est-à-dire ceux qui prétendent cela. وَقَالَ فَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ تَكُونُونَ كُونًا عَظِيمًا. Votre Seigneur vous a-t-il honoré ou élevé par les fils, et se serait pris les anges comme filles? Vous dites cela une parole énorme. وَقَالَ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. A-t-il fait des anges, ceux qui sont les serviteurs du Rahman, des femmes, ont-ils témoigné de cela, du moins de leur création? Leur témoignage sera écrit et seront interrogés. Yani yom la qiyama. وَقَالَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى. Et ceux qui ne croient pas en l'au-delà nomment les anges par des prénoms féminins. وَقَالَ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ. Est-ce pour lui les filles et pour vous les garçons? وَلَمْ يَأْتِ فِي دَلِيلٍ وَاحِدٍ مَا يُصَرِّفُ تِلْكَ الْأَدِلَّةَ الْمُتَقَدِّمَةَ فِي خِطَابِهِمْ بِاللَّفْظِ الْمُذَكَّرِ وَلَا إِنْكَارَ ذَلِكَ. Donc il n'y a aucune preuve, voyez, qui sorte les preuves citées précédemment du fait que on s'exprime envers les anges avec des termes masculins, avec des pronoms masculins. Prénoms, c'est-à-dire pour les anges, et pronoms lorsqu'on parle de Dama'ir en arabe. ولهذا قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى حين سئل عن قول بعض الناس عن المبردات إنهن ملائكة الرحمة. Et c'est pour ça que العلامة ابن باز رحمه الله a dit lorsqu'il fut interrogé à propos de ceux qui disent que les infirmières sont les anges de la miséricorde, il dit هذا الوصف لا يجوز إطلاقه على المبردات, que cette description il n'est pas permis de l'attribuer aux infirmières. لأن الملائكة ذكور وليس إناثة. Car les anges sont des créatures masculines, des hommes, et non pas des femmes. وَقَدْ أَنْكَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَصْفَهُمْ الْمَلَائِكَةَ بِالْأُنُوثِيَّةِ. Et que Allah a déjà blâmé les mouchriquines, qu'ils aient décrit les anges comme étant des créatures féminines. قُلْتُ أَنِيَ شَيْحْيَا أَمَّا مَا جَاءَ فِي الصَّحِيحِ الْبُخَارِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُسَيِّبْ أَنَّهُ قَالَ الْمَلَائِكَةُ لَيْسُوا ذُكُورًا وَلَا إِنَاثًا فَهَذَا لَمْ يَثْبُتْ وَلَوْ ثَبَتَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلْ على أن الملائكة ليسوا ذكورا وإناثا من بني آدم أو أنه اجتهاد منه لم يصيب رحمه الله لأن النفي الذكورية عنهم مطلقا فيه معارضة لبعض ما ذكر هنا من الأدلة. Donc il dit, quant à ce qui est venu dans Sahih al-Bukhari, selon Saïd al-Musayyib, qu'il a dit que les anges ne sont ni des créatures masculines, ni féminines, ni des hommes, ni des femmes. Cette parole-là n'est pas affirmé de lui. Et même s'il avait été, il convient d'interpréter sa parole comme étant qu'ils ne sont pas des hommes ou des femmes parmi les fils d'Adam. Vous voyez, parmi les humains, en fait. Ou alors, cela est un ijtihad de sa part, et il n'a pas eu raison. Alhamdoulilah. Car cela amènerait à nier, le fait de nier le genre masculin aux anges, cela, de façon absolue, hein, bien sûr, dans l'absolu, cela revient à quoi? À contester les preuves qui ont été citées précédemment. Parmi les versets que nous avons lus. Il s'agit là d'une mas'ala khilafiyya, il y a divergence entre les savants sur le fait de dire est-ce que les anges sont des hommes. Et c'est, d'ailleurs, Cheikh Moubil, lui, voit comme Saïd ibn Musayyib, il voit qu'il ne faut pas les décrire en étant des hommes ou des femmes. Bien que ce qui apparaît des preuves, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala s'exprime en parlant des anges avec des termes masculins. Quoi qu'il en soit, cela ne doit pas amener à critiquer l'avis opposé, comme l'ont fait certains qui disent que celui qui dit que les anges sont des hommes, il a un manque dans sa akida. C'est une parole, celle-là, elle ne tient pas debout. Dire qu'un ange est un homme, cela ne touche rien à ta akida. Donc attention aux propos tenus lorsqu'on cherche à critiquer des erreurs. Naam. ثم قال وقدرة الملائكة على التكييف هذا بأمر الله هو الذي يغيرهم من حال إلى حال أما طيب et le fait de changer d'apparence c'est une chose que Allah il a voulu pour les anges car c'est lui طيب c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les change les transforme d'une apparence à une autre أما هؤلاء الممثلون السقط فلا دليل لهم في هذا الحديث على تكييف تارة يمثل شيطانا وتارة يمثل عفريتا وتارة يمثل مغنية وتارة يمثل سارقا فهؤلاء ما غيرهم الله غيروا أنفسهم وغير الله بهم قال تعالى إن الله لا يغير ما بكم حتى يغيروا ما بأنفسهم غير الله بهم بسبب بعدهم عن الحق ومثل الشيطان يا إخوان بل مثل رب العالمين يأخذ كشافا ويلمع به أنه يبرك ويزمجر بصوته كأنه يرعد. Donc là, le shir, il dit quoi? Quant à ces comédiens, c'est-à-dire les acteurs, il y en a qui perdus, là je pense qu'ils visent surtout les gens de l'islam, ils n'ont aucune preuve dans ce hadith, dans le fait de pouvoir faire des mises en scène théâtrales ou des films, ce genre de choses. Car certains prennent ce hadith pour dire qu'on peut jouer des rôles, en se basant sur le hadith que Jibril est venu sous l'apparence d'un homme. Et ceux-là, tu les vois, tantôt, ils jouent le rôle de shaitan, tantôt, ils jouent le rôle d'un ifrit, un djinn, yani méchant. Tantôt, ils jouent le rôle d'un chanteur. Tantôt, ils jouent le rôle d'un voleur. Et ceux-là, ce n'est pas Allah qui les a changés. Ces acteurs, ces comédiens, ce n'est pas Allah qui a émis ce changement en eux. Mais ils l'ont fait eux-mêmes. Et ensuite, Allah les a changés, c'est-à-dire ces gens-là, les a fait dévier pour sa parole dans le sens relatif et rapproché, que Allah ne change pas ce qu'il y a dans un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Naam. Et Allah les a changés pour cause de leur éloignement de la vérité. Ensuite, le shir dit, en s'exclamant, en étant surpris, que ces gens-là ont même été, yani, ils ont joué le rôle de shaitan. Ils ont même été jusqu'à faire quoi ? Jouer le rôle du Seigneur des mondes. C'est-à-dire, ils sont mis à faire Allah. Que l'un d'entre eux a pris une lampe, comme un keshef, une lampe, s'est mis à éclairer, et à faire des grondements avec sa voix, comme s'il faisait le tonnerre. C'est-à-dire, il se prend pour Allah, et il fait le tonnerre. Wal'azu billah. Et lui, la shir, par là, je pense qu'il vise aussi les koufars. Car c'est eux qui ont fait ça. Tu les vois faire des films, ils prennent un homme, avec une barbe blanche, avec une couronne dans les cieux, dans les nuages, ils disent que c'est Dieu, comme ils prétendent. Ils sont partis loin. Ou d'autres, moins graves, mais toujours étant aussi surprenants, joue le rôle d'un chien. On l'a vu, des films où un homme, il fait le rôle d'un chien. Wal'a'udhu billah. Aina al-'uqul. Tayyib, on va finir par ce paragraphe-là. Où il dit: Qawluhu wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi. Personne d'entre nous ne le connaissait et il s'assit face au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en accolant ses genoux à ses genoux et en posant ses mains sur ses cuisses. Shir dit, جاء في سنن البيهقي أنه وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم وهي من طريق سليمان التيمي وسليمان قد حصلت عنده ذوائد في ذلك الحديث شذ بها. Qui dit que dans Sunan al-Bayhaqi, qui est une version qui est venue de ce hadith, où il dit que Jibril aurait posé ses mains sur les cuisses du prophète. Et que cette version est venue par le biais de Suleyman Taimi, et que lui, il est déjà venu dans ce hadith, il y a ajouté des choses marginales que personne d'autre que lui n'a apporté. فَإِنَّ النَّوَوِيَ يَرَى أَنَّ جِبْرِيلَ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْ نَفْسِهِ. Donc Nawawi lui voit que Jibril a posé ses mains sur ses propres cuisses, à lui-même. لَا غَلَفْ نَبِي صَلَى اللَّهُ وَسَلَمْ وَهَذَا الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ وَصَحِيحُ وَاللَّائِكُ بِتَلْعِيمِ طَالِبِ الْعِيمِ Adab et Tarab. Et donc cela, est-ce qu'il apparaît qu'il est la parole la plus correcte, est-ce qu'il est de meilleur comportement pour le Talib Ibrahim, lorsqu'il apprend la science. Car on voit mal un étudiant venir devant un savant et poser ses mains sur ses cuisses, c'est-à-dire les cuisses du savant. Qawluhu ya Muhammad. Ou plutôt, on va s'arrêter là, Inch'Allah, car là, il y a une heure qui est passée. Non, car le hadith il est assez long, comme cela est connu, et on n'aura pas le temps de le finir en un seul cours, de peur que cela prenne du temps sur vous et sur moi. فبهذا نكتفي ونقول والحمد لله رب العالمين.